Il y eut les ennuis, les crises, les guerres, tout ce qui peut arriver dans des troubles, pendant des troubles nombreux, qui m'ont fait quand même avoir une certaine continuité dans l'effort pour reprendre la maison au moment où ça menaçait ruine et arriver jusqu'à la fin de ma vie en faisant le même métier.